Ce matin, nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous disons grandement merci, Seigneur, parce que ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants. Ça ne dépend pas de notre volonté. Il n'y a pas l'argent que nous avons expédié au ciel pour que Dieu nous garde en vie. Il n'y a aucun effort que nous avons fourni. Mais la grâce et la bonté de Dieu nous a soutenus. Et il nous a donné son souffle ce matin. C'est pourquoi nous disons que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous saluons les frères et les sœurs qui sont en ligne. Et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses en Christ. Sans tarder, levons-nous pour la lecture de la parole. Dans Amos au chapitre 3, dans son verset 1 et 2, et dans Jérémie au chapitre 46, dans son verset 28. Amos au chapitre 3, verset 1 et 2, et Jérémie chapitre 46, dans son verset 28. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Éternel des armées, toi, le Dieu Tout-Puissant, tu es l'unique Dieu d'éternité en éternité. C'est toi qui abandonna ta gloire. Tu abandonnas ta puissance. Et tu t'es revêtu d'un corps humain pour venir nous sauver et nous donner la vie éternelle. Tu t'es revêtu d'un corps humain pour souffrir à notre place, pour mourir à notre place, pour être enterré à notre place, et tu es ressuscité pour nous accorder la victoire sur le péché et sur tous les démons. Ce matin, nous te disons encore merci, parce que nous n'avons pas de termes pour exprimer notre gratitude. Nous sommes tellement petits et insignifiants devant tes yeux que tu ne pouvais pas faire ce que tu as fait pour nous. Mais ton amour est grand. Tu n'as même pas considéré ta vie. Tu n'as pas considéré ton honneur. Mais tu avais une seule pensée. C'était de nous racheter. Seigneur, merci. Je te recommande ce peuple ce matin. Libère chaque frère et chaque sœur du péché. Sauve chaque frère et chaque sœur. Nous sommes des hommes. Nous sommes sujets aux faiblesses, mais ta parole nous donne la force. Bénis ce peuple qui ne sont pas, qui n'est pas venu ici pour contempler un homme, pour écouter un homme, mais qui sont venus ici pour recevoir une portion de ta part. Descends selon ta promesse. Oins chacun de nous d'une manière particulière. Moi qui veux parler et qui écoute, élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que ta bénédiction repose sur nous. Afin que chacun de nous expérimente la réalité de l'évangile. Guéris les malades au milieu de nous. Trouve solution à nos problèmes. Il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas du travail. Il y a ceux qui cherchent le mariage. Il y a ceux qui aspirent à beaucoup de choses, Seigneur, pour qu'ils se sentent consolés. Toi, le véritable consolateur, fais-le pour la gloire de Dieu. Bénis cette petite église. Souviens-toi de l'époux dans le monde entier. Et souviens-toi d'Israël, ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Amos 3. 1, 2. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous. Enfants d'Israël. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seul parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Dans Jérémie chapitre 46, dans son verset 28, toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Car je suis avec toi. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je vous ai dispersés. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te châtierai avec équité. Et je ne puis pas te laisser impuni. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. C'est depuis mardi. Est-ce que les frères et les sœurs là derrière vous suivez très bien? Est-ce que vous m'écoutez? Merci. C'est depuis mardi que nous avons commencé cette série de questions-réponses. Nous l'avons, l'objectif pour lequel nous avons pris cette série de questions-réponses, nous l'avons expliqué mardi. Nous avons dit que nous voulons d'abord connaître les préoccupations de l'Église. Avec un objectif de réajuster nos enseignements pour la croissance de cette église. Et deuxièmement, éclairer les frères et les sœurs pour qu'il n'y ait plus de questions dans leur cœur. Afin que chacun de nous avance avec le Seigneur dans l'assurance et dans la foi. Ili kila mmoja wetu apate kusonga mbele pamoja na Bwana katika hakikisho na imani. En attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mkongojea kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. C'est ainsi que mardi. Hivi msiku wa pili. Nous avons commencé avec la première question. Tulianza na swali ya kwanza. Qu'un frère ou une sœur avait posé. Ile nduku wala dada moja aliwezi kuuliza. De savoir quels sont les signes. Ya kujua ni maalama gani. Que quelqu'un a vraiment le Saint-Esprit. Ya kuonesha kwamba a vraiment le véritable Saint-Esprit. Ya kuonesha kwamba mtu kweli kweli kuna Roho Mtakatifu ya kweli. Même s'il a reçu sans sensation. Hata kama alipokea Roho Mtakatifu bila kuchamuka. Et à partir de mercredi, jeudi et vendredi, comme c'est une question importante qui est attachée au plan du salut et aux conditions que nous devons remplir pour attendre le Seigneur Jésus, nous avons pris ces 3 jours pour en parler. Et les bandes sont là, vous pouvez les réécouter. Et j'ai recommandé à tous les frères et à toutes les sœurs qui ont des questions semblables d'aller écouter lentement l'enseignement sur la voie du salut où toutes les choses ont été exposées en détail, qu'ils écoutent encore qu'est-ce que c'est les enseignements sur qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Comment il faut le recevoir? Et comment savoir qu'on l'a reçu? Des choses sont exposées dans ces enseignements. Aujourd'hui, je prends la deuxième question. Mais il y a une question complémentaire que je ne voudrais pas répondre aujourd'hui, qui est toujours attaché à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, mais au péché qu'ils peuvent commettre. Ça, nous allons la répondre plus tard. Aujourd'hui, nous prenons la deuxième question. Bonjour, pasteur. Vous avez prêché que si un enfant de Dieu va dans une mauvaise voie, Dieu va le châtier pour le corriger. Ça, c'est la vérité. Mais s'il persiste, Dieu va le faire mourir pour qu'il ne fasse pas blasphémer le nom de Dieu ou pour que le nom de Dieu ne soit pas insulté. Ça aussi, c'est encore la vérité. Et encore, sur l'épreuve, Dieu met ses enfants à l'épreuve pour les faire grandir. C'est encore la vérité. Et vous avez dit encore que toute souffrance n'est pas une épreuve. C'est toujours la vérité. toute souffrance n'est pas une épreuve. Et le frère avait bien compris. Ou la sœur avait bien compris. Maintenant, ma question est celle-ci. Comment saurais-je que ça, c'est le châtiment de Dieu? Et ça, c'est l'épreuve. Que Dieu vous bénisse. C'est une question très claire. Et je réponds ceci. En tant que fils et fille de Dieu, nous avons une grande responsabilité de veiller premièrement sur la parole de Dieu, deuxièmement sur la vie que nous menons en tant que croyants, et troisièmement sur la conduite sous laquelle le Saint-Esprit nous place. Très important. Parce que l'écriture est claire. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. La première des choses qu'un croyant fait est de se rassurer de son salut. Et de se rassurer de ses expériences qu'il a avec le Seigneur. De se rassurer de sa foi dans la parole de vérité. Et quand nous sommes rassurés que nous sommes enfants de Dieu, nous devons beaucoup veiller sur la parole de Dieu dans toute notre vie. Nous devons beaucoup veiller et examiner la vie que nous menons à la lumière de la parole. Et nous devons beaucoup veiller sous la conduite sous laquelle le Saint-Esprit nous place. Et pour répondre à cette question, retenez ceci. L'épreuve est toujours liée à la foi. Dieu t'éprouve. C'est pour vous amener à croître. Il l'épreuve n'est pas liée au péché. Na jaribu ayambatane na zambi hapana. L'épreuve n'est pas liée à une faute que tu as commise dans votre vie. Na nkosa fulani ile ulifanya mu maisha yako. C'est Dieu dans sa souveraineté qui décide d'examiner votre foi. Tandis que le châtiment est toujours lié au péché. À la désobéissance que vous avez commis vis-à-vis de Dieu. Et Dieu prend la décision. Comme il te reconnaît comme son fils, de te corriger pour que vous abandonniez cette vie du péché ou cette mauvaise voie que vous avez embrassée. Que le Seigneur vous bénisse. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand vous passez un temps de difficulté, en tant que chrétien, vous devez avoir suffisamment de discernement pour voir ces malheurs, cette souffrance, la maladie, la persécution, les difficultés de la vie que je traverse sont-ils liés à un péché ou c'est une souffrance qui est attachée à ma foi? Vous voyez, jusque-là, il n'y a pas de problème. Et pour que vous compreniez, je prends un exemple simple que vous comprenez, que vous connaissez tous. Un cas d'épreuve. Je prends le cas de Job. Lorsque nous prenons Job au chapitre 1, notez cela. Job chapitre 1, verset 1 jusqu'à 22. Job chapitre 2, verset 1 à 13. Ça, vous pouvez le lire à la maison. Vous verrez que la Bible d'abord dit ceci. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous voyez, dans le verset 2 et verset 5, la Bible nous parle de la prospérité de Job et de sa conduite sainte et de sa conduite juste et de la crainte qu'il avait envers Dieu. Comment il offrait tous les jours un sacrifice pour le péché, pour lui-même et pour toute sa famille. Parce qu'il se disait, peut-être mes enfants et moi-même avons offensé Dieu sans le savoir. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y me promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ça, c'est le témoignage qui vient de Dieu lui-même. Ce n'est pas un témoignage d'un homme. Mais regardez une chose ici. Ni ka parenthèse tu m'apprends à kufanya. Ka parenthèse que j'ai ouvert. Hakuna mtu anesha kumuofense Mungu sawa shetani. Il n'y a personne qui a déjà offensé Dieu comme le diable. Mais remarquez le comportement de Dieu. Lakini tazameni namna Mungu hapo anatenda. Quand Satan est venu dans la réunion, wakati shetani alikuwa mkusaniko, où le rendre visite là où il était avec ses enfants, wala kwa kumtembelea Mungu fazi alikuwa na batoto yake, Dieu ne l'a pas chassé. Mungu asikumfukuza pana. Et Dieu ne l'a pas fermé la porte. Il ne l'a pas fermé la porte. Asikumfungie mulango hapana. Dieu ne l'a pas boudé. Mungu asikumsema, ah, dit je suis fâché contre toi. Tu as détruit ma création. Et tu as détruit l'homme créé à mon image. Qu'est-ce que je veux dire? Napenda kusema nini pale? Sasa wewe unasemaka uko na Roho Mtakatifu. Toi, tu as toujours dit que tu as le Saint-Esprit. Mais bale bantu au semishanake nabo. Mais les gens avec qui tu ne parles pas. Na bale bantu uko na unakatalaka kupokelea kwako. Tu refuses de recevoir chez toi. Au basemishake na njiko kani. Et tu ne leur parles pas en soutenant cela avec quelle écriture? Au wapokeleake kwako na njiko kani. Tu ne le reçois pas chez toi avec quelle écriture? Parce que ni Mungu mwenyewe. Là, c'est Dieu lui-même là. Anamupokelea. Le reçoit. Na kisha anaanza kusungumza naye. Il commence à parler avec lui. Urona ce que l'écriture dit, ce que Jésus nous enseigne. Voyez-vous, il est Yesu anatufundisha. Kama mtu yuko na Roho Mtakatifu. Quelqu'un a le Saint-Esprit. Anapenda na badui bake. Il aime même ses ennemis. Ceux qui parlent à Marc, il sait très bien que dada, ou frère, vous me dites, je ne peux pas le chasser, j'ai de lui parler. Apana. Non. Vous voyez, quelqu'un ayant le Saint-Esprit, atamupokelea, il va le recevoir, atasungumuza naye, avec lui, mais palakini, il se tiendra sous ses gardes. Atakuwa wakukesha sana, wakusopoka sana, pour ne pas pécher, ou pour ne pas tomber dans le péché de l'autre. Ashanguke muzambi, ule mutu mwingine. Est-ce que vous comprenez ça? Eti munaelewa? Ça va, je passe. Napita. Du coup, tout on a dit vos questions. Il n'a eu ni membre. Ça, c'est une autre affaire. Vous voyez, frère. Dieu lui-même donne un témoignage. Il dit Job est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Maintenant, après cet entretien, Satan, dans le verset 9, jusqu'au verset 11, Satan demande l'autorisation à Dieu d'aller prouver la foi de Job. Et Dieu lui accorde ce qu'il avait demandé, mais il interdit de toucher à sa vie. Vous voyez, c'est Dieu qui lui a autorisé pour éprouver la foi de Job. Qu'est-ce que cela veut dire? Même nous aujourd'hui, lorsque Dieu veut nous éprouver, il n'utilise pas des chrétiens. Il n'utilise pas les anges saints. Pas Gabriel, pas Michael, non. Il utilise les démons. Il utilise Satan pour nous éprouver. Vous voyez. Et vous regarderez. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te les livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Maintenant, à partir du verset 13 jusqu'au verset 22, les épreuves ont commencé. Vous allez lire cela de vous-même. Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et dans tout cela, dans toutes les épreuves, les difficultés qu'il avait traversées, Job ne pécha point et n'attribua point, ne n'attribua rien d'injuste à Dieu. Regardez son comportement. Kupoteza kwa mali. Perdre, c'est bien. Aripoteza mali yote. Il a perdu tous ses biens. Anapoteza batoto yake bote. Il a perdu tous ses enfants. Il n'avait plus de biens. Il n'avait plus d'enfants. Mais il a donné gloire au Seigneur. Et il n'a jamais péché. Satan ne s'est pas arrêté là. Satan est avancé pour demander encore l'autorisation à Dieu de toucher maintenant le corps. Et Dieu dit, allez-y. Mais l'âme non, et sa vie non. Parce que Satan ne peut pas tuer quelqu'un sans l'ordre de Dieu. Et un homme ne peut aller, comme nous l'avons toujours enseigné, avant le temps que Dieu lui a fixé. Parce que nos jours, nos mois et nos années que nous devons passer sur cette terre sont déjà comptés par Dieu lui-même. Satan est allé, comme vous tous vous le savez, Il toucha le corps de Job. Et il n'y a personne qui a déjà souffert comme Job. De telle manière que Job prenait un tisson pour un tisson qui punge. Pour se gratter. Et il s'assit dans la cendre. Au point même sa propre femme est venue lui dire, mais avec cette souffrance, tu n'as plus rien. La richesse est partie. Vous voyez? Et ta santé est partie. Tu continues à être intègre. Maudit Dieu et meurt. Au lieu de souffrir comme ça. La Bible dit, Job lui répondit, je parle comme une femme insensée. Quoi? Vous voyez, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Vous voyez, frère, kama muna soma kitabu yote ya Job. Si vous lisez tous les livres de Job. Pendant l'épreuve de Job. Kadiri ya majaribu ya Yobu. Après que Job ait examiné sa vie. Misha Yobu kuchunguza maisha yake. Et ses relations avec Dieu. Kano yake na Mungu. Il a toujours réclamé son innocence. Lamara anasemaka ana nakosa. Il a toujours dit, je n'ai pas péché, c'est la main de l'Éternel qui m'a touché. Il n'a même pas accusé Satan. Il n'a même pas accusé les hommes. Oh, c'est papa, c'est maman, c'est l'oncle, c'est la tante. Non, c'est le voisin. C'est un collègue de service. Non, Job ne l'a jamais fait. Job a dit, il a dit, Oga ya Mungu eko musekirite ya Mungu akuna kitu kitawezi kumufikia sanke Dieu l'ait ordonné. Si j'ai perdu les biens et j'ai perdu ma santé, c'est la volonté parfaite de Dieu. Même pour ce qui est du péché, je n'ai pas offensé Dieu. Vous voyez, je n'ai pas le temps de le lire. Je vous donne le verset. Dans Job 16. Dans son verset 11 à 17. Job 19. Écrivez cela. Job 16. Verset 11. Vous voyez? Et le verset 17. Ici, Job dit, Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. Vous voyez, dans 17, je n'ai pourtant commis aucune violence. Et ma prière fut toujours pure. Dans Job 19, verset 1 à 2. Vous pouvez aller jusqu'au verset 6. Dans le verset 6, il dit, sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Dans son verset 21, il dit, aie pitié. Aie pitié de moi, vous mes amis. Car la main de Dieu m'a frappé. Dans Job 23, verset 10 à 16. Dans Job 31, verset 1 à 40. Là, vous verrez que Job, quand vous lisez dans Job 31, vous verrez comment un homme juste, sous le sang de bouquet de taureau, quand il dit, je ne pouvais même pas fixer mes regards sur une vierge. Donc ses yeux, même les yeux de Job, étaient consacrés. Il ne pouvait pas faire du mal à quelqu'un. Vous le lirez dans Job 31. Donc, en résumé, vous verrez que Job, cette souffrance que, par laquelle Job est passé n'était pas liée à un péché quelconque, à une désobéissance quelconque que Job aurait commise. Non, c'est Dieu seulement qui avait éprouvé la foi de Job, parce que Job l'avait aimé sans intérêt. C'est de cette manière que notre amour envers Dieu doit être. Les devins et les dénominations, c'est agir en insensé. Vous voyez, Mais le châtiment, lakini apizo, comme nous l'avons dit, parle tulisema, contrairement kwa, à l'épreuve de la foi, kwa chana na jaribu ya imani, cela est attaché apizo au péché. Na zambi. Quand tu pèches, wakati unatenda zambi, quand tu désobéis, tu empruntes une voie manjia, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ton père doit te châtier. Kama uko na tenda nzambi, si komele peche, uko na tomboke ya Mungu, uko na tembela mumanjia aina sauti ya Mungu, uko paka musalama, rien ne t'arrive, tu n'es pas un fils de Dieu, tu n'es pas une fille de Dieu. L'église est avec moi. C'est clair, non? Si tu es réellement un enfant de Dieu, Dieu te châtie, non pas pour te tuer, non, c'est pour te corriger, te redresser, te dire, toi tu es un enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu, cette voix et cette vie ici ne te convient pas. Maintenant, si vous persistez, Dieu va te tuer. C'est ce que Dieu avait fait avec un prédicateur au temps de Frère Branham, qui était un bon prédicateur, un bon évangéliste, qui avait amené beaucoup d'âmes au Seigneur. Frère Branham dit, on ne sait pas ce qui est arrivé. Et Satan s'était emparé de lui. Et il déchira même les notes de ses prédications. Il commença à boire, à faire de mauvaises choses. Mais après plusieurs exhortations, il ne revenait pas dans la voie. Dieu était obligé de l'ôter de la terre. Vous voyez, naona, et dans la Bible, andana Biblia, nous avons le cas de David. Ya Daoudi. David Daoudi était un roi selon le cœur de Dieu. Prenez l'écriture. Je ne vais pas lire ça, mais allez le lire. Je vois la maison. Dans 2 Samuel. Samuel wapili. 2 Samuel, Samuel wapili, chapitre 11, moja, dans son verset 1 à 27, kwanja, kufikata makumbi na saba, 2 Samuel, tous les chapitres 12, Samuel wapili, sura ya kumi na mbili, et là, na pale, vous verrez comment le roi David, mutaona namna gani mfalme Daoud, avait couché avec la femme d'Uri. Et il avait fait tuer Uri au front. Quand vous prenez dans 2 Samuel au chapitre 24, là, vous verrez que David avait commis une erreur. Il est allé faire le dénombrement des enfants d'Israël sans l'ordre de Dieu. Et dans les deux cas, Dieu l'avait châtié. Il est passé par une période où Dieu les châtia à cause du péché qu'il avait commis, à cause de l'adultère et à cause du meurtre d'Uri. Vous allez le lire là-bas. Mais comme David était un enfant de Dieu, il reconnut c'est tort. Il s'est repenti. Et Dieu le pardonne. C'est ce que nous lisons dans Psaume, Zaburi, au chapitre 51. Là, il se répand. L'Église est avec moi. Ici, David se répand. Lorsque le prophète Nathan est venu, voyez, David a reconnu ce tort. Au verset 3, il dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Vous allez continuer jusqu'à la fin. Il s'est répandu et Dieu le pardonna. Et autant dénombrement, Dieu est venu lui proposer trois fléaux, trois punitions. Et David dit, j'ai choisi que je tombe dans les mains de l'Éternel. Je ne veux pas être châtié par les hommes. J'aimerais être châtié par l'Éternel. Parce que néanmoins, lui, il aura pitié de moi. Après m'avoir châtié, il aura pitié de moi. Quand on a dit, oui, comme il y a un tout, avant de quoi mon ami. Pitié de moi. Et Dieu les châtia. Na Mungu akamwapiza. Vous voyez. Unaona. Et là, il est passé par l'enfant est décédé, il y a eu la peste, il y a eu beaucoup de choses. Ses enfants se sont révoltés, il a récolté beaucoup de choses. Et c'est Dieu qui les châtie. C'est ça la plus grande différence. Mais il y a un autre point que je voulais que vous reteniez. Différenciez toujours ces trois choses ou ces trois souffrances. Un, notez cela. Il y a l'épreuve de la foi. Deux, il y a le châtiment qui est lié au péché, à la correction qui est liée à un péché qu'on a commis. Et troisièmement, il y a la souffrance naturelle qui est liée à notre nature pécheresse d'homme. Ça, cette nature, nous l'avons reçu à notre naissance parce que nous sommes nés de la femme. L'Église est avec moi. Différencier ces trois choses. Il y a l'épreuve de la foi. Il y a le châtiment d'eux. Il y a la souffrance naturelle. C'est pourquoi nous vous avons enseigné autrefois que toute souffrance n'est pas épreuve. Non, frère. Non, ma soeur. Pour ce qui est de l'épreuve de la foi, soyez attentifs. Pour ce qui est de l'épreuve de la foi, dans Jacques, la Bible dit ceci. Namwe bote mumba mushike muyua kusema. Majaribu ya imani aina attaché ku nzambi. Jacques 1. Verset 2 à 4. Et le verset 12. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Vous voyez, Dans le verset 12, il est l'homme qui supporte patiemment la tentation. C'est une mauvaise traduction. La bonne traduction, c'est il est l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ouvrez largement vos oreilles. Quand Dieu fait passer son fils à l'épreuve, à la fin de chaque épreuve, il y a toujours une bénédiction. L'église est avec moi. À la fin de chaque épreuve, il y a toujours une bénédiction divine. C'est vrai. Notez cela. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, dans son verset 5 à 9, à vous qui, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour les saluts prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristé pour peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour le résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans l'avoir vu encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous voyez, Dieu vous envoie ces épreuves, c'est pour vous éprouver. Quand vous lisez dans Acte 4, Acte 5, Acte chapitre 4, Acte chapitre 5, là vous verrez les souffrances qui sont liées à la foi et à l'évangile. Étienne est mort pour cause de l'évangile. Vous voyez, beaucoup de saints sont morts. Ils ont été enchaînés. Vous voyez, ils ont été mis en prison. Ils ont été brûlés. Ils ont été rejetés par les sociétés à cause de la foi qu'ils défendaient. Non parce qu'ils étaient des voleurs. Apana, il ne faut pas. Tu vis dans le péché. C'est une épreuve. Apana, les souffrances qui m'arrivent, ce sont des épreuves. Non. Jusque là, ça va. Est-ce que c'est clair? Merci. Maintenant, le châtiment, c'est une correction. C'est une éducation. Parce que Dieu veut que vous participez à sa nature, à sa sainteté. Voyez bien, mes frères, c'est une phase de la sanctification. Dieu ne veut pas te voir vivre dans la désobéissance, dans le péché. C'est pourquoi il te corrige, il te châtie. Et là, c'est Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 est lié à la correction, est lié au péché dans la phase de la sanctification, parce que Dieu veut que tu sois correct en toutes choses. Hébreux chapitre 12, versets 5 à 11. Et vous avez oublié l'exhortation que je vous ai adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, lorsqu'il te dit, lorsqu'il te corrige, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses enfants. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et nous les avons respectés, ne devrons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Et Dieu, comme notre Père, ne peut pas supporter nous voir continuer et vivre dans le péché. Il ne peut pas supporter ça. Kama weye unafanyaka bintu au pikwe. Tu n'es pas châtié. Et bon. Là c'est faux. Tu n'es pas enfant de Dieu. Voyez frère. Voyez sœur. Quand vous faites des choses, Dieu ne te châtie pas. Tu n'es pas fils ou fille de Dieu. Regardez comment frère Banam dans Élie. Le message Élie prêché le 18 octobre 1953 à la page 13. Frère Branham enseigne et dit: je dis, Dieu aimait Israël et il a dit dans la Bible, c'est ce que nous avons lu, il n'a jamais dit, il n'a jamais dit qu'il nous aimait comme ça. Quand je dis, c'était son premier amour, Israël, vous voyez? Et pourtant, chaque fois qu'Israël sortait de la volonté de Dieu, Dieu déversait des jugements du ciel sur Israël. Et nous n'échapperons pas au jugement de Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? Comme Dieu a châtié Israël, chaque fois qu'il allait en dehors de la volonté de Dieu, Dieu qu'il aimait, et il a proclamé dans toute la Bible, nous aussi, Dieu nous aime, mais il ne peut pas supporter notre désobéissance et notre vie de péché. Chaque fois que nous irons en dehors de sa volonté, il nous châtiera. C'est vrai, frère. Nous n'échapperons pas au jugement de Dieu. David était un homme selon le cœur même de Dieu. Et chaque fois que David péchait devant Dieu, Dieu lui faisait récolter ce qu'il avait semé. Et nous ne manquerons jamais cela. Ça, que ce soit un individu, Que ça soit une église, une communauté ou une nation, Dieu exige un jugement contre le péché. Que le péché soit dans un homme, dans une famille, dans une église, dans un individu, voyez, et dans une nation, dans une région, Dieu sera obligé de châtier cet individu, cette famille, cette église, cette nation, voyez, ou cette tribu. Je pense que vous comprenez. C'est pourquoi nous craignons Dieu et vivons correctement. Parce que chaque fois que nous irons loin de la volonté de Dieu, Dieu nous châtiera. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Je pense que chacun de vous a compris. Est-ce que je peux passer? Ok. Les souffrances naturelles ne sont pas liées ni à la foi, à l'épreuve de la foi, ni à un péché qu'on a fait. Ce ne sont pas toutes les maladies ou toutes les souffrances. Iko ou d'une certaine difficulté. Voilà ma kumu fulani. Iko épreuve de la foi. Qui nous arrive et que ça soit oh ni jaribu ya imani apana. Mateso ya mingi tu konate soa. Par lesquelles nous passons. Iko lié kubu mundu. À notre nature. Parce que tu nous arrives quoi? Nous sommes liés. Wanjia ya mwanamuke. D'une femme. L'Église est avec moi. Dans Job, l'Écriture dit ceci. Job chapitre 5. Job chapitre 5. Verset 7. L'homme, regardez le verset 6. Le malheur ne sort pas de la poussière. Et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir. Comme l'intercelle pour voler. Muntu yoyote. Mwenye kuzari kwa njia mwanamume na mwanamke eko nazari kwa ni juu ya kuteswa pour souffrir. Aina juu baba yako alikufingaka, aina juu ni baloji, aina juu alikutia un mauvais son, aina juu ulitenda dhambi, aina juu Mungu anapenda kuepuka imani yako. Mateso ya mingi, le 90% mateso tuko nayo ni mateso ya kimwili. Kulala na njala, kukosewa mavazi, kukosa makazi, kulukula ma kulukula madiare, kulukula ma malaria, être frappé par la malaria, kutosha jasho ya kwenda kulima, pour aller cultiver, kupoteza fedha, perdre l'argent. Ile mateso yote ya bantu mnajuaka iko lié kuna chiri ya bumuntu. Bivimbo bitakutoka, upele butakutoka, hemoroide itakubamba, utalukula kivuno, meno itakuluma, macho itakuluma, tumbo. L'homme est exposé à toutes sortes de maladies à cause de sa naissance naturelle par la femme. C'est pourquoi on a chié. Raison pour laquelle vous voyez nous autres. Dieu nous a éclairés. Et quand nous souffrons, demandons à Dieu de nous donner un discernement pour savoir par où nous passons. Et autrefois, je vous avais dit, épreuve. Ata unaomba, même si tu priais, Ata pasteur anaomba. Bana bamusha na Branham. Anakombea. Si c'est le preuve de la foi. Il n'y a aucune prière qui sera exaucée jusqu'à ce que Dieu voit que mon temps est accompli. Et qu'est-ce qu'on demande à celui qui passe l'épreuve de la foi? C'est la foi, la confiance, la persévérance en Dieu. Amini ya kusema, Mungu anapenda kunikomesha. Il n'y a pas de souffrance éternelle. À la fin de la souffrance, mon Dieu, qui a permis que ce malheur m'arrive, il me bénira. Et quand est-ce qu'on a cette assurance? Quand vous passez un moment de souffrance, commencez par examiner votre vie. Angalie maisha yako. Est-ce que tu es correct avec Dieu? Où as-tu péché? Où as-tu offensé Dieu? Comme on a semé, tu n'as pas offensé Dieu. Tu n'as pas péché. Tu n'es pas contre. Tu n'es pas en dehors de la volonté de Dieu. Aïka la kimia. Oh, pourquoi ma mouille, je vais en ingrédier à la pagamille? Quand on a ingrédier à la pagamille, ni me comme toi, toi, mon ni mambo cani. Qu'ai-je fait? Même l'incursion des voleurs chez toi, ça peut être une épreuve. Pourquoi l'entre toi va vous faire un accident? Pas comme il va le faire dans mon groupe. Pas comme l'accident, mais moi, ma jambe s'est cassée. Ma épreuve, on a couru à mon âme. Quoi ça nous arrive des différents. Comment on a eu à filer, on a tombé à Kanamungu. Ah, au total, le mukin toi t'as qui moya. Chunga imani. Apana quoi ça neno la mungu. Apana quoi ça imani. Ende la kuomba. Et d'aller. Priez beaucoup pour que Dieu vous donne la force de surmonter l'épreuve. Montant d'épreuve, priez beaucoup. Vous priez non pas pour que Dieu arrête, vous priez pour que Dieu vous donne une grande foi de surmonter l'épreuve. Même si c'est une souffrance ou un châtiment, Dieu va vous châtier selon le temps qu'il a arrêté. Mais vous devez vous repentir. Commencez d'abord par vous repentir. Vous voyez bien, mes frères. Commencez par te repentir. Demande pardon. Quand bien même tu demanderais pardon, Dieu a déjà pris la résolution de te donner 50 si tu as demandé pardon, et après quoi vous rentrerez en communion. Voyez bien, mes frères. Même dans le cas où tu es, même si on priait pour toi, Dieu ne peut pas arrêter. Il faut châtier. Dieu n'est pas comme. Non, parce que l'église a eu pitié des frères ou de la chair. Quand il s'agit de Mazambi ou de Fouania, l'église ne connaît pas les péchés que tu as commis. Dieu n'est pas comme. Comme nous les hommes nous agissons. Baba n'avait pas filmé quoi depuis comme tout. Je maman a couru. Il est né. Non. Toi quand belle parle la maman dira non. Va écouter avec ta prière. Il faut Kabila chiki. Kabila doit. Tu as chiki fait maintenant. Pour qu'il puisse faire répéter. Je vis le mungu. Et qu'on a coupé Kabila pour nous à couron. Tu as mal au cœur. Ouais bien mes frères. Mais on en tout comprendre. Comment on est délégué. Tu continues, tu perds dans le péché. Là tu es un enfant du diable. Mais pour ma déso, il y a mouille les épreuves, donc la souffrance qui est liée à notre nature pécheresse, à notre naissance naturelle. Il est comment on a omba, Kanisa na omba, vous voyez, pasteur na omba, Dieu est obligé de vous consoler. Si c'est une maladie, il y a la promesse. Je suis le Dieu, l'éternel Dieu qui vous guérit de toutes les maladies. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand mon frère, si les frères, à la cosacage, manquait du travail, Ananaïman, il n'a pas la foi, il est mon bien. Prions pour lui. Voyez, Naona, pour ce qui est de la souffrance naturelle, Ça va. Ça va. On prie pour ça. Tunaombea ile. La vie de l'homme, Job 14, vous connaissez. La vie de l'homme est censée s'ajouter. Et vous allez remarquer que muntu yote mwenye kuzala kwa njia mwanaume akikuwe president, akikuwe chef militaire, akikuwe bibi wa mzungu, wa mweushi, wa pigment, kila muntu akikuwe pasteur, akikuwe prophète, qu'il soit saint ou païen, la souffrance est pour tout le monde. À quoi en franga en anayo? Ou qu'il soit dans le manquement. Frère. Duk. Ouais, on a quoi ça m'écoute? Toi, tu peux manquer d'argent. Mais le président. Et qu'on a tué son prostate. Souffre avec la prostate. Soit tu m'engueules quand tu es en cancer. Tu souffres avec le cancer. Entre, qu'y a ma bonne, qu'y a mon santé, y a bien. Avoir une bonne santé. Na où le qu'on a cancer. Et celui qui a le cancer. Mais qui est celui qui est à l'aise entre les deux? Kukosa motoka. Manquer un véhicule. Na ule kona diabète. Et celui qui souffre du diabète. Voyez? Naon. On a kosa motoka. Manque un véhicule. Ou en bonne santé. Mais où moi fiancé? Mais ule kona motoka. Mais celui qui a le véhicule. Kona diabète. Et souffre du diabète. Asa ule kobiye ko. Mais na qui est à l'aise? Vous voyez? Naon. Donc, c'est nous qui ne comprenons pas. Alors, mettez chaque chose à sa place. Et vous avancerez correctement. Que Dieu vous bénisse. On ne peut pas tout dire. Le reste, le Seigneur vous accordera sa sagesse. Est-ce que vous avez compris? A choqué à une autre question. C'est lui qui n'a pas compris. Entre les trois catégories de souffrance. Merci. Accent. Nous prenons la troisième question. Bonjour frère. Nous disons toujours que le tabernacle est l'église de Jésus-Christ. Mais pourquoi l'église où le prophète William Marion Branham exerçait son ministère aux États-Unis porte son nom, c'est-à-dire Branham Tabernacle. Dites-nous. Ce n'est pas aussi une forme d'antichrist. Et il a une hali à upinga Christo. Merci. Accent. Le frère ou la sœur dada veut savoir pourquoi l'église dans laquelle frère Branham exerce son ministère aux États-Unis porte son nom. Est-ce que cette église-là, en portant le nom de Branham, est-ce que ce n'est pas une forme d'antichrist? Je réponds à cette préoccupation. Est-ce que la question est comprise? Est-ce que moi, votre Mashiki, Oulise, Anduko, Yadada? Je réponds. L'assemblée dans laquelle frère Branham a exercé son ministère porte son nom. C'est à cause du contrat d'achat qui avait été établi à l'acquisition du terrain de l'église en son nom. Je réponds à cette préoccupation. Si le Branham Tabernacle apportait le nom de Frère Branham, c'est parce que quand les administrateurs sont allés acheter le terrain, et pour acheter le terrain de l'église, il fallait donner le nom du responsable. C'est ainsi comme le pasteur, comme Frère Branham était le pasteur, ils avaient donné le nom de Frère Branham. Et quand on a établi les documents, on avait établi ces documents, les contrats d'achat, dans le nom de Frère Branham, par les administrateurs. Mais Cela n'a pas été fait sous l'ordre de Frère Branham. Aina ndugu Branham aliteka agizo kusema mwandike mikanda mjina yangu. Et les administrateurs n'avaient pas demandé à Frère Branham dans quel nom ni mjina kani il devait écrire le contrat. Et cela n'a jamais été le souhait de Frère Branham. Et Frère Branham lui-même n'a jamais souhaité que le Branham Tabernacle, l'église de Jeffersonville, porte son nom. Il n'a jamais souhaité cela. Vous voyez. Et le contrat fut établi comme ça dans le nom de Branham. C'est selon les lois américaines d'acquisition. Vous voyez. Et notez bien. La manière d'agir des administrateurs de l'église de Jeffersonville n'engage pas toutes les églises Ilombe, kuma kanisa yote, du monde entier. Ya dunia yote mzima, non. Yanze kufanya vile hapana. Voyez frère. Unaona ndugu. Le Branham Tabernacle. Branham Tabernacle. C'est une partie des églises locales du Seigneur. Les administrateurs avaient fait cet erreur en écrivant le contrat d'achat dans son nom. Mais dans toute la Bible, chaque église locale portez le nom de la cité ou de la ville dans laquelle l'église du Seigneur était établie. Voilà la vérité. C'est pourquoi vous trouvez dans la Bible, il y a l'église de Rome, il y a l'église de Corinthe, il y a l'église d'Éphèse, il y a l'église de Colosse, il y a l'église de Jérusalem, et ainsi de suite. Prenez cela. Écrivez, je ne saurais pas lire ça. Romains 1, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 2. Ephésiens 1, 4. Ephésiens 1, 1. Colossiens 1, verset 1, 2. Acte 1, verset 12. Vous voyez. Et dans le nom de Jésus, ou le baptême du Saint-Esprit, prêché dimanche, le 28 septembre, 1958 matin, Frère Branham dit ceci, au sujet du nom qu'on avait donné à cause de son nom qu'on avait placé sur l'église. Écoutez. Au paragraphe 183 jusqu'au paragraphe 185. Maintenant, cet enseignement est destiné au Branham Tabernacle. Vous voyez, c'est juste pour cet endroit-ci. Juste pour cet endroit-ci. Je souhaiterais que ça ne soit pas le Branham Tabernacle. Je souhaiterais que ça soit appelé le Tabernacle. Et que mon nom na yangu, n'y soit même pas attaché. Je me propose de remettre cette église. Vous vous souvenez tous. Quand nous avons acheté cet endroit, je l'ai acheté. Mais j'ai travaillé à la compagnie. J'ai travaillé à la Public Service Company. Et nous avons bâti ceci. Et ils l'ont appelé ainsi. Parce que les frères Sewar et les autres y ont attaché mon nom. Sewar, c'est les frères Sewar et les autres sont les administrateurs. Ils ont attaché mon nom. Quand ils l'ont inscrit sur le contrat, aussitôt que je pourrais être dégagé, aussitôt que je pourrais être dégagé de cette situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, nous allons faire de cette église une communauté, simplement la donner et mon nom sera retiré. Je ne pense pas que mon nom devrait être placé sur cette église. Il ne doit pas y avoir de Branham Tabernacle. Ça devrait être juste une église. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Ou quelque chose comme cela. Le tabernacle du Seigneur. Vous voyez, les lieux de sa demeure. La maison de prière. Ou quelque autre nom. Laissons la congrégation choisir son nom. Mon nom, Mia, mjina yangu mie, je suis qu'un homme. Mie niko tu mutu. Mon nom jina yangu ne mérite pas d'être donné à ces lieux. Israeli ba ipatie yo ikanisa. Pas plus zaidi que notre nom. Hata jina ya mtu mwingine. La raison pour laquelle sababu inye, il fallait qu'il en soit ainsi ipaswa ikue hivi vient de ce que mon nom yatokea kuyu était sur l'acte d'achat. Jina yangu kwa pa mikanda. Il est dit Billy Branham. Vous voyez, mais ça ne devrait pas être là. Non, monsieur. Ça devait être une assemblée communautaire. Ceci devait être la congrégation ici. Cette église et cette église est souveraine. Il n'y a pas de comité d'administrateurs ou de diacres pour vous dire ce que vous devez faire. Cette église, par un vote de chaque membre, vous dira ce qu'il faut faire. C'est l'exacte vérité. Donc il y a une décision. S'il y a une décision, vous voyez. Vous voyez comment Frère Branham me répond. Ce n'est pas lui. Ce sont les administrateurs qui ont attaché son nom à l'acquisition du terrain. Et les administrateurs l'ont fait pour seulement identifier leur église locale. C'est comme aujourd'hui. Comme il y a multiplicité des assemblées du message du temps de la fin dans une ville ou dans une cité. Voilà, les gens ont toujours l'habitude de dire Kanisa ya Kazadi Wakalenga. L'église de Kazadi Wakalenga. Kanisa l'église ya Kime Mukena. De Kime Mukena. Kanisa l'église ya Mwamba Ilunga. De Mwamba Ilunga. Kanisa l'église ya Ngoindai. De Goindai. Ni misemo ya bantu. C'est un langage humain. C'est pour identifier l'individu. Pour identifier. Dieu t'a kutambulisha. L'endroit où la vérité est apportée. Quand quelqu'un va quelque part, comme il y a multiples multiplicité des assemblées, on dit wende mukanisa dans l'église ya de José. Ni kusema wende mukanisa mule José eko pasteur. Aina kanisa ya José, mais pour identifier, parce que autakuta banandika sema banandika banandika sema kumunjo munekala kabungu apana. Et c'est ici où Dieu est partout ici dans les églises, l'église de la vérité et le tabernacle, lumière du soir et le tabernacle du fondement biblique. Il est l'imagina du côté amingi na bafo banabela bile imagina. Les faux ont pris ces dénominations, mais on identifie maintenant les services de Dieu. C'est mutumishi wa Mungu fulani ongelea kabia kweli. Kama unaenda mu Afrique du Sud, unafika mujobu wendo kamone frère Mangi, pasteur Mangi, uliza tu kanisa ya pasteur Mangi. L'église, vous voyez, c'est pour identifier. Comme on est dans mon Cape Town, de quoi pasteur José? C'est lui qui représente la véritable foi dans cette cité-là. Comme on est dans mon Kamina, de quoi pasteur Waliko? Parce que c'est lui qui est le pasteur ou le berger de cette église-là. Il a la même foi que nous. Ce n'est pas son église. C'est un serviteur dans cette église. Je crois que c'est dans cette pensée-là. Parce que même au temps de Frobanam, il y avait beaucoup de dénominations, surtout les pentecôtistes. C'était au moment où il y avait beaucoup d'assemblées. Et pour identifier ce que les gens prêchaient, on les identifiait par les noms de leur berger. C'est ce qu'il y a eu. Il n'y a rien ici d'antichrist. L'antichrist prêche la fausse doctrine. Frère Branham ne prêchait pas la fausse doctrine. Des choses contraires à Christ et à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce qui est plus important, ce qui est essentiel, c'est la parole de vérité qui est prêchée dans cette église-là. Et non l'appellation. Est-ce que c'est compris? Je prends la dernière question pour aujourd'hui. J'ai une préoccupation concernant la parole, de Dieu. Vous avez prêché de ponctuer Amen. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Merci Seigneur. Aksante Bwana. Et en ce qui concerne taper les mains en pleine prédication, non. Na kunyana ngalia kupika mikono wakati bwana ubiri unasema hapana. Ça c'est conforme à la parole? Eti ile kukataza kupika mikono inambatana na neno? Veuillez m'éclaircir, merci. Unilete kwa mwangazo pa hii mambo, aksante. Oui, c'est ça que nous avons enseigné. Et pour répondre à la préoccupation, je vous dis ceci, frère, et soeur, qui a posé la question. En tant que chrétien, vous devez toujours savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Et chaque temps na kila wakati a un comportement approprié. Ina mwenyendo ya kufa juu ya ile wakati. Je réponds à la question. Najibu kuswali. En tant que chrétien, vous devez toujours différencier les temps de la louange et le moment de la prédication de la parole. Chaque chose a son temps. Voyez frère, voyez sœur, ne confondez pas les choses, les deux choses. Pendant la louange, Louez le Seigneur avec tout ce que vous avez. Crier, la lamika, siffler, danser, cheza maringa. Voyez, naona. Les marcas. Marcas. Jouez cela, guitare, doum, flûte, vous vous êtes là, tout ça, louez le Seigneur. Pas de problème. Pale akuna mambo. Pendant la louange, wakati ya sifa ya nyimbo, utilisez tout ce que Dieu a mis. Tumia yote ile Mungu aliweka à votre disposition mkononi mwako pour le louer. Njua kumsifu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez-le, mumusifu. Mais pendant la parole de Dieu, pendant la prédication de la parole, nous n'avons pas besoin de cris inutiles. Nous n'avons pas besoin des acclamations inutiles. Nous n'avons pas besoin de paroles inutiles. Pendant la prédication, l'église doit kanisa être calme. Parce que Dieu parle. Mungu, et son peuple doit écouter sa parole dans le calme. Katika ukimia. C'est pourquoi, comme la parole Savile neno est une semence. Dieu n'agit que par la parole. Nous écoutons la parole de Dieu dans le silence avec un objectif de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Comment recevons-nous quelque chose de la part de Dieu? C'est quand Dieu prononce quelque chose, nous disons Amen. Disons Amen. C'est-à-dire, nous avons reçu ce que Dieu a dit. Parce que Amen signifie qu'il me soit fait selon ta parole. Ce que signifie Amen. C'est pourquoi dans la Bible, quand le sacrificateur se tenait devant les gens pour prêcher, tout le monde répondait par Amen. Et même Dieu disait, quand il instruisait au prophète, quand ma parole sera lue, que le peuple réponde par Amen. C'est la seule manière de recevoir la vérité de Dieu en nous et de voir cette parole-là se matérialiser. Frère, sœur, il faut attaquer la sauti à Mungu, suivre la parole de Dieu, kufunga kinywa, en silence, sans samaki ya kukauka, comme un poisson sec, haiwezi kukusaidia, ça ne peut pas t'aider, mkuendelea mwimani, de prospérer dans la foi. Neno la Mungu ni chakula. Kama Mungu anaweka chakula mkinywa yako, wewe unapaswa kuichika kuimeza. Accepter de avaler. Na unameza chakula chako. Ni kusema amina. Amen. Ile Mungu unasema, ile masauti itende kenda na maisha yangu. Paka vile inatoka mkinywa yako. Quelles sont sorties de ta bouche? Et quand tu dis Amen, au kisema amina, Dieu crée la vie de cette parole de vérité. La ukweli, il t'a enseigné en vous. Sasa ndani mwako, inapewa uzima ndani mwako. C'est ainsi que vous voyez. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Il y a de mauvais esprits maro chafu, et de mauvais caractères tabia mbaya, qui se séparent d'eux ou des démons qui les quittent. Rien que dans la prédication de l'évangile, ya on a kuya mukanisa, dans l'église, En sortant, tu n'es plus la même femme. Tu n'es plus le même homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, par la puissance de son esprit, par l'onction qui était sur son serviteur, et par la parole que vous avez entendu, a créé en vous une nouvelle vie. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Comme on a sema, amen. Tu dis amen. Dieu le fera, l'accomplira. Mais toi, quand on dit quelque chose, on dit la parole. Quand Dieu dit, par ce maîtrise-ci, vous êtes guéri. Toi, tu t'étais. Tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas guéri. Quand le prédicateur sur l'onction dit par les bottes qui n'ont pas du travail au nom de Jésus Christ, ayez du travail, répondez amen. Amen. Et vous aurez le travail. Na uta pata kazi. Comment on est là pour qu'il y ait une sacrée statue? Mais si tu te dis là, ça va s'arrêter. Tu vas rentrer. Mais si tu prononces amen, c'est ma amina. Alors l'esprit du Seigneur viendra vivifier ta vie. Vous voyez, frère. Mungari arrive. Tu commences à créer comme tu vas vivre beaucoup de ces secrets dans des petites choses. Pendant toute la prédication, beaucoup de gens s'amusent à comme un poisson sec là. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Et Dieu ne te donnera rien. Tu es un observateur. Tu vas observer après. Tu n'es pas un acteur. Nous sommes des acteurs. Nous sommes des concernés. Les affaires de Dieu, ça nous concerne. Voyez bien mes frères. Alors je disais, dans la Bible, je prends quelques versets. Prenez Néhémie. Chapitre 1, vous allez lire tout. Frère, il y a conseil que je vous donne, frère. Ushikia sauti ya Mungu sawa sawa ba statue, vous ne recevrez rien de la part du Seigneur. Tu ne recevras rien. Néhémie chapitre 8. Troisième verset 1. Commençons au premier verset. Jusqu'au verset 12. Nous lisons ceci. Ce sera long. Donc, Néhémie chapitre 8. C'est ce que j'avais donné. Néhémie chapitre 8. Néhémie sur la mounane. Bien, ils sont quand même. Lisons ça. Verset 1 à 12. Nous sera quanja kwenda 12. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Ezra, le scribe, d'apporter les livres de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Ezra apporta la loi devant le peuple, composé d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du mois, du septième mois. Ezra lut dans les livres depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est de devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Ezra le scribe était placé sur l'estrade du bois, Ezra mwandishi alikuwa yulu, dressé à l'occasion. Regardez le comportement de ces gens. Ils étaient attentifs à la lecture du livre de la loi. Verset 5. Ezra ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple, comme je suis ici. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple s'était en place. Qu'il a montré parfois chaque. Chacun à sa place. Ezra bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tous les peuples répondaient en levant les mains. Amen. Amen. Amen. Et ils s'inclinaient et adoraient l'Éternel, le visage contre la terre. Et continue avec le reste. Vous voyez. Le peuple répondait. Amen. Amina. Regardez dans Nombre. Chapitre 5. Verset 21. Jusqu'au verset 22. Nombre chapitre 5. Nombre chapitre 5. Verset 21 à 22. Et le sacrificateur fera jurer à la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'extraction au milieu de ton peuple, en faisant déchirer ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces os qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher ta cuisse. Et la femme dira Amen. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 27. Vous recevez, elle reçoit les conséquences de la parole de Dieu. Deutéronome 27. Dans son verset 14, commencez par là. Allez jusque dans le verset 26. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, une abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans les lieux secrets. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple répond. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger ou de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa soeur, fille de son père, ou fille de sa mère, et le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain enfant secret, et son peuple, et le peuple dira Amen. Voyez, maudit soit celui qui n'accomplit pas. Ah, maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang innocent. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi et qui la met pas, qui ne la met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Regardez dans Chronique. Première chronique. Kwanja. Première chronique. Mambo Asiku. Chapitre 16. Sura ya 16. Commencez ça. Nawezi kwanza. 36 et 35. Makumi tatu la sita. Dites. Mseme. Commençons verset 34. 35, 36. Vous commencez par là. Moi, je commence au verset 37. 35. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tous les peuples disent amen, amina, loue l'Éternel. Founi wa milele. Psaume 106. Zaburi mia moja na sita. Verset 48. Béni soit l'Éternel Dieu d'Israël. Abaritue Mungu wa Israël. D'éternité en éternité. Na milele. Et que tous les peuples disent amen, amina, loué l'Éternel. Vous voyez, naona. Mais quand nous prenons wakati tukibeba, dans Psaume Mzaburi, chapitre 149, sura 149, 150, 150, chapitre 29. Sura, écoutez ce que la Bible dit. Le Bible louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qui sera le seul et juste en celui qui l'a créé. Que les filles de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qui louent son nom avec des danses. Qui les célèbre avec les tambourins. Et l'harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant et continuer les lois de sa bouche, ainsi de suite. Regardez maintenant dans le chapitre 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue. Où éclate sa puissance? Louez-le par ses hauts faits. Louez-le selon son immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la flûte, la lutte et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et à chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Que tout ce qui loue et tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez-le. Vous voyez, quand il est temps de louer, parce que l'Éternel descend dans les lèvres, il descend dans la louange. Et là, il y a les cris de joie. Vous voyez, là, il y a la manifestation de l'Esprit. On loue le Seigneur pour ses hauts faits. La bien tout biote, mais la maman, en accoupati. Voyez, tu cries, una lalamika, voyez, una ona, tu bats les mains, una pika mikono, tu peux danser, kucheza, Maria, voyez, sous l'onction, una upako, tu sais chanter la kidar, tu chantes. Una kupika kidar, una pika kidar. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Bia kweli dada yangu. Donc, tout ce qui est à votre disposition, tu peux louer les saints. Tu peux louer les saints. Mais pendant la prédication, wakati ya maubiri, la congrégation Makutano doit être silencieuse. Napasha kubaki kimia. Parce que c'est le roi de rois qui parle. Mfalme wa wafalme kona sema. C'est le Seigneur qui parle. Bwana kona sema. Il faut que sa voix seule s'entende. Il ne faut pas déranger les gens. Et quand on parle, les gens se réjouissent. Et comment ils expriment leur joie? Ils disent gloire au Seigneur. Louez le Seigneur. Amen. Amen. Il n'y a pas de dérangement. Vous voyez bien mes frères. Et quand les gens prient, ils prient correctement. Et quand ils sortent, ils sont joyeux. Mais dans la Bible, parce que je n'ai plus de temps, quand vous lisez, il y a beaucoup d'écritures, les comportements des méchants, des méchants, des incrédules. Quand on prêche la parole de Dieu, et ils se mettent en colère, la réaction des méchants, des incrédules, quand la vérité de la parole est exposée, au lieu de se repentir et de remercier le Seigneur, mais ils se mettent en colère. Ils injurient les prédicateurs. Ils maudissent les prédicateurs. Ils haïssent les prédicateurs. Quand ils sortent de la présence de Dieu, ils critiquent les pasteurs et les prédicateurs. Ils commencent, ils s'opposent aux prédicateurs. Et ils sont prêts à chasser les prédicateurs. C'est ça le comportement. C'est ça le comportement des incrédules. Saouti à Mungu, la parole de Dieu, aïfouana que fura maro yao. Parce que ils n'ont pas la joie de la parole de Dieu. Ils connaissent comme une condamnation. Vous voyez? Et au lieu de se repentir, ils se mettent en colère. Et là, vous les verrez dans toute la Bible. Jésus est allé dans Luc 4. Allez lire Luc 4. Il prêche. Il prend d'abord le livre de la loi. Il lit. Il dit cette écriture est accomplie. Et il commence à prêcher. Il prêche. À la fin de la prédication, tous les pharisiens en colère contre lui. Parce qu'il leur avait dit les vérités en face. Ils l'ont pris pour aller le précipiter. Ils l'ont fait monter, ils l'ont amené sur le mont, une haute montagne, pour les jeter de la montagne, les précipiter. Vous voyez, frère, quand Pierre prêchait, quand Paul prêchait dans le livre des Actes, tous ces juifs-là, en colère, un jour Paul il a échappé par la grâce, on l'a fait descendre parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Dieu avait encore un travail à faire. Il avait encore un travail à faire avec lui. On l'a jeté en prison, on l'a chicoté. Pour la parole, c'est le comportement des incrédules. Dieu qui le va faire va mingi bana fanyak. Beaucoup de frères font. Kama tu neno la Mungu. A évangile na kwa nguvu. Devient dur. Va kulofu kwa kanisa wanaanza kulofu. Il y a de ceux là qui s'absentent. Kushimanga, est-ce que il y a ceux là qui me disent donc. Unaona kile mzee alisema tu as trouvé comment ce que l'ancien a dit. Tu as trouvé comment ce que l'ancien le frère Mungu a dit. Mais qu'est-ce qui me frappe ça? Ça là m'a vraiment touché. Là il y a un petit charme. Ah lui aussi exagère. Ce sont des démons. Ni m'en peux pas mchafu. Vous voyez frère. Naona. Comme on a mon amuse, on a quoi? Voilà, on s'est venu. Il esquive. Vous voyez? C'est le comportement des incrédules. Pour nous, notre joie se trouve dans la parole. C'est pourquoi la parole vient. Que ça soit un fouet. Qu'on nous enseigne, qu'on nous parle de la croix ou des promesses de Dieu, que ce soit la parole prophétique, que ce soit un enseignement, toute la parole de Dieu réjouit notre âme parce que c'est notre nourriture. Que Que Dieu vous bénisse. Mungu apate kunibariki. Voilà comment nous devons faire. Pendant la prédication, restez calme. Écoutez attentivement. Répondez amen à la parole. Mais pendant la louange, faites des bruits comme tu veux. Mais à la gloire de Dieu, faites des bruits sous la conduite du Saint-Esprit. Pas pour déranger l'église. Non, frère. L'église est. Le Saint-Esprit est ordonné. Ne venez pas ici avec des fausses danses d'esprit. Non, c'est faux. C'est comme le Saint-Esprit nous avait corrigé ici. Vous voulez danser dans l'église pour que les gens voient que tu es spirituel. Non. Ça, c'est de l'imitation. Danser si tu es poussé. Crier. Si c'est le Saint-Esprit, la lamique, il n'y a aucun problème. Hakuna mambo. Dieu aime cela. Mungu anapenda vile. Oui, bien, mes frères. Naona ndugu mpendo. Kama unajua nzenze. Si tu sais jouer à la guitare. Wa pika nzenze huko. Je joue à la guitare. Hakuna problème. Il n'y a pas de problème. Mais que tout. Lakini yote. Se fasse en ordre. Il doit y avoir de l'harmonie. Usawa. Voyez. Et cela doit donner un son harmonieux quand nous chantons. Quand les gens chantent sous l'esprit, il y a harmonie entre voix, entre les instruments. Attaquez-moi, c'est toujours bon. Ça édifie. Tu danses, on a chesa. On a vunja ba frère, na ba sœur di vunu. Et tu vas c'est ni ma danse. Tu te trémousses au point de frère, sœur, frère, frère, na sœur, alitoka kwake mujima. Jo kuluka luka kwako, on a tellement sorti mais là tu la casses. C'est pas un dieu de désordre. Ala Mungu afujo. Sasa mtu anaacha kuonesha kumkanyanga unamtosha petiné unamtosha unaluka yulu unamvinya kumikulu unamtosha yoni tu l'as même blessé. Sasa utaenda kumlomba bulumu mais tu vas aller lui demander pardon. Sasa frère na yeye au sœur anaacha kuzunika il est là tu vois le désordre unaona njoo la kwa fufu. Sasa Mungu ni wa usawa. Namwe wenyewe kwa ngwangwa hapa hapa mnesha kwa sima mpibe tena. Alors vous qui cherchez utebona kubiuma huko essayez de tomber là tu vas te coller. Unatoboka richo eh tu risques de te crever. Mais Dieu ne peut pas pour nous canuka tu akutobole richo même pas que tu puisses sortir pour te crever. Dieu est très sobre ni Mungu akiasi. Utaluka luka hapa unaanguka. Kumbe wewe ufuma macho. Meno unapika kuima biuma ya na hivi iko makali. Meno na kufu ici et tu te casses les dents. Nous allons prier pour toi pour que les dents poussent. On va t'exhorter seulement à la fin que. Allez, dada. Tu vois, tu as mal fait. On a contrôlé la il faut savoir comment danser. Mais maintenant, c'est mon malade. Les dents sont déjà cassées. Comment si c'est mon bras, tu veux déjà. Évitez des choses comme ça. Moi, tu habites à ville. Que Dieu vous bénisse. Ami Bariki. Est-ce que vous avez compris? Avez-vous bien compris, Maurice Kiliza Vizuri? Ça va, nous continuer au mardi. Tout un délai, chat, si vous appuyez. Lève-nous pour la prière. Amen, Dieu à Koumba. Sans nous n'en trois. Sans nous n'en trois. Sans nous n'en trois, qui vous a Koumba. Qui vous a Koumba, sans nous n'en trois. tutaomba sisi zote. Prions ensemble.